Radiomatique. amorcer la transmission 506 d'Audiomatique. Les sonoristes ont choisi de vous présenter la formation sud-africaine Terminal. Son plus récent album, intitulé The Hush of Cannons Cold, paru le 12 juillet 2024 et qui nous présente des pièces instrumentales tirées des deux premiers albums de Terminal, pièces instrumentales qui ont été remaniées par différents artistes. Nous écoutions la pièce Redacted Frame 313 Mix, remaniée par le groupe Searching for Survivors. Et c'est maintenant Snug avec sa pièce Corporate Slave qui fait vibrer les ondes d'Audiomatique. There is no America. There is no democracy. There is only IBM and ITT, Union Carbide, and Exxon. We'll be right back. Technology. Technology is God. D'écouter le projet Max M du Danois Max Müller Rasmussen avec le original mix de la pièce titre de son premier album Technology is God, paru en 1992 sur l'étiquette de disque Hard Records. Avant Max M, c'était la formation de Fair Sex et la composition Electronic New Self, tiré de l'album Labyrinth, sorti en 1995. Et on amorçait la séquence avec le projet australien Snog. La pièce Corporate Slave apparaît sur le premier album intitulé Lies Incorporated, publié en 1992. À Audiomatic, nous poursuivons cette fois avec l'artiste anglais Guy Andrews. his dog, the hottest son, the fiercest cat, and the meanest gun. You got to hold the feelings in your hand, baby. It's a safety belt, it's a Christian crime. A rocket ship, it's a joke of mine. I took away the day that I'd be gone. Shoot. Lemonies take their sailors home, the broken stuff in the outer wall. I'm sticking out in the road. Memorized toilets, check my school. I like my song, but I lost my cool. I need my laser to C'était à Audiomatic la collaboration entre David Byrne et Brian Eno qui nous offrait la chanson I Feel My Stuff, extraite de leur album Everything That Happens Will Happen Today, sorti en 2008. Tout juste avant, nous avions droit à l'artiste anglais Guy Andrews de son deuxième album intitulé Talk. Lancé en 2017, nous vous avons offert la pièce Fiel. Audiomatic se poursuit maintenant sur la musique de l'artiste allemand Enesh. Thank you.

à Audiomatic. Cette séquence d'une seule pièce intitulée Daktari était l'œuvre de l'artiste Enesh. Cette pièce apparaît sur son premier album solo intitulé Cheesy et publié en 1993. Notons qu'Enesh, pseudonyme pour l'artiste Klaus Schandelmeier, a été un membre fondateur de la formation KMFDM au début des années 80 et à laquelle il a participé jusqu'en 2000. En conclusion de cette transmission 506 d'Audiomatic, nous avons décidé de vous faire entendre la musique du groupe allemand Night Nail, de sa plus récente parution intitulée Early Demons and Demos. Nous entendrons la version démo de la chanson Nowhere, dont la version originale apparaît sur le mini-album homonyme de Night Nail, sorti en 2014. Les sonoristes vous invitent à écouter la transmission 507 d'Audiomatic en direct mercredi prochain dès 17h ou en différé dans les univers numériques sans contrainte de temps ni d'espace. Pour ce faire, consultez notre profil facebook.com/audiomaticcfou pour accéder à nos archives numériques. Voici donc Night Nail et la version démo de la chanson Nowhere. C'était Audiomatic avec les sonoristes.